إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue toujours dans le tafsir de Sourate Al-Hadid, Sourate Le Fer, tafsir de Cheikh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala. Lors du cours de la semaine dernière, on s'est arrêté au verset 24. On s'est arrêté au verset 21. C'est ça ? ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Donc Allah عز وجل dit dans Sourate Al-Hadid, selon le sens des versets, on est versets 22 à 24. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre préservé avant que nous l'ayons créé, et cela est certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux plein d'orgueil. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, c'est-à-dire de la foi en Allah, Allah se suffit alors à lui-même, et il est digne de louange. قال شيخ سعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرح بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه، كما قال تبارك وتعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. الشيخ السعدي رحمه الله dit en explication de ces versets: Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de sa prédestination générale, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit selon le sens: nul malheur n'atteint la terre ni vaut personne. Et ceci englobe l'ensemble des malheurs qui touchent les créatures, que ce soit en bien ou en mal, et que tout ceci est écrit dans des planches préservées, l'ensemble de ces faits, les petits comme les grands. Et ceci est sans aucun doute une chose immense que les raisons ne peuvent comprendre. Le fait que tout ce qui se passe dans cet univers est inscrit dans un livre ou dans des planches préservées. Ceci est une chose immense que les raisons ne peuvent concevoir. Au contraire, le cœur des gens doués d'intelligence sont ébahis face à cela. Mais cela est pour Allah Azza wa Jal simple et aisé. Et Allah Azza wa Jal informe ses serviteurs de cela afin que ce soit une règle ancrée chez eux, et que de cette règle découle leur comportement face à ce qui les touchera comme bien et mal. Ils ne seront pas donc désespérés ni attristés lorsqu'une chose leur échappe, une chose qu'ils auraient souhaité ou qu'ils auraient aimé, car ils savent que ce qui a eu lieu était écrit dans les planches préservées, et ils savent que ce qui a eu lieu devait absolument arriver et qu'il n'y avait aucun moyen de l'éviter. وَلَا يَفْرَحُ بِمَا أَتَاهُمْ. De même qu'ils ne se réjouissent pas de ce qu'Allah Azza wa Jal leur donne, comme se réjouit celui qui est vaillant et non reconnaissant. Car ces croyants savent que ce qu'ils ont obtenu, ils ne l'ont pas obtenu par leur force, mais ils l'ont obtenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsqu'ils obtiennent des bonnes choses, ils s'empressent d'être reconnaissants envers celui qui donne les bienfaits et celui qui éloigne des mauvaises choses. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit: Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Qu'Allah n'aime pas tout présomptueux plein d'orgueil, c'est-à-dire l'orgueilleux, le rude, celui au cœur dur, celui qui est dupé par sa propre personne, celui qui est plein d'orgueil vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un bienfait d'Allah le touche, eh bien il attribue ce bienfait à lui-même. Et sa propre personne le dupe, comme l'a dit Allah azza wa jal: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. Dans surat Az-Zumar, le verset 49, Allah Azza wa Jal dit selon le sens: quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit: je ne la dois, c'est-à-dire cette faveur, qu'à ma science. Puis Allah Azza wa Jal dit: بل هي فتنة. Au contraire, ce n'est qu'une tentation. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر، في الشر البخل وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك، فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها. ومن يتولى عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الحميد الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف حسن وفعل حسن يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. Puis il dit, Cheikh Saadi rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jalla, الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice. C'est-à-dire qu'ils ont réuni entre eux ces deux mauvaises caractéristiques. Et chacune de ces caractéristiques suffit comme mal. La première de ces caractéristiques, l'avarice, ceux qui sont avares. Et l'avarice, c'est le fait de s'abstenir de donner un droit obligatoire. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِذَلِكَ، et ils ordonnent aux gens d'être avares. Ainsi, ils sont avares, mais ils ne se contentent pas d'être avares, ils ordonnent aux gens également de faire preuve d'avarice. Ils encouragent les gens de faire cette mauvaise chose, ils les encouragent soit par leurs paroles, soit par leurs actes. Et ceci est un détournement de leur part vis-à-vis de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَنْ يَتَوَلَّ » et quiconque se détourne, c'est-à-dire se détourne de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Celui qui se détourne de l'obéissance à Allah ne fera du mal qu'à soi-même et en aucun cas ne fera du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، car Allah Azza wa Jal se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Allah Azza wa Jal, dont la richesse fait partie de ses caractéristiques, subhanahu wa ta'ala, celui qui détient la royauté des cieux et de la terre, celui qui enrichit ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, et les fait acquérir, celui qui est digne de louange. Il est digne de louange car Allah Azza wa Jal a les noms les plus beaux, les attributs les plus parfaits et les actes les plus beaux. Il mérite ainsi d'être loué, subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الله عز وجل dit dans les versets 25 à 27 de sourate Al-Hadid selon le sens. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, ainsi que des utilités pour les gens, afin qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et tout-puissant. Nous avons effectivement envoyé Nuh et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers. Nous les avons fait suivre de Isa, fils de Marie, et nous lui avons apporté l'évangile. Nous avons mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous le leur avons nullement prescrit. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah, mais ils ne l'observèrent pas comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. قال الشيخ السعد رحمه الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته وأنزلنا معهم الكتاب وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم والميزان وهو العدل في الأقوال والأفعال والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي المعاملات وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة والأحوال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك ومنافع للناس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى حديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد فيتبين من ينصره وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها لأنه حينئذ يكون ضروريا إن الله قوي عزيز أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. Donc il dit, rahimahullah, Cheikh Sa'd dit, Allah Azza wa Jal dit, nous avons certes envoyé les messagers avec des preuves, bilbayinat, c'est-à-dire des preuves, des faits constatés, des signes qui prouvent la véracité de ce avec quoi les prophètes sont venus, alayhim as-salam. Wa anzalna ma'ahum al-kitab, et nous avons fait descendre avec eux le livre. Ici, le terme livre est un genre. C'est ce qui est voulu, ce n'est pas un livre en particulier, mais le genre, à savoir que cela englobe l'ensemble des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre pour guider ces créatures et pour les orienter des livres qui contiennent ce qu'il y a de mieux pour ces créatures dans leur religion et dans leur vie d'ici-bas. Wal Mizan est la balance, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, c'est-à-dire la justice dans les paroles et dans les actes. Et la religion avec laquelle sont venus les prophètes est entièrement justice. C'est une justice dans les commandements et dans les interdits. C'est une justice dans les transactions entre les créatures. C'est une justice dans les crimes, dans la loi du talion, dans les sentences. C'est une justice dans l'héritage, etc. Ceci, liyaqum an-nas bil-qist, afin que les gens établissent la justice. Ils établissent la justice en établissant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en établissant la religion d'Allah, ils obtiendront des bénéfices qui ne peuvent être énumérés. Et ceci prouve que les prophètes sont en accord sur une règle juridique, à savoir l'établissement de la justice, même si les formes de cette justice diffèrent en fonction des moments et en fonction des situations. Puis Allah Azza wa Jal dit « Wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid » et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Parmi ces forces redoutables, comme le dit Cheikh Saadi, les armes de guerre, les armures et autres, wa manafi'u lin-nas, ainsi que des utilités pour les gens. Et ces utilités et ce qui est constaté comme étant utile, et ceci est constaté dans les différentes usines, dans les différents corps de métier, dans les vaisselles qui sont faites de fer, dans les machines agricoles qui sont faites de fer. Et de façon générale, il est rare de trouver une chose, un ustensile, un objet, une machine ou autre qui n'ait pas besoin de fer. Afin qu'Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Allah Azza wa Jal a donc fait descendre le fer pour tester et pour éprouver. Allah Azza wa Jal a fait descendre le livre et le fer afin de tester les gens et savoir qui dans l'invisible défendra la cause d'Allah et de son envoyé. Car c'est dans l'invisible que la foi est bénéfique. Et ici, dans l'invisible, on peut le comprendre de deux façons. Soit dans l'invisible, c'est-à-dire que tu défends Allah et son envoyé, même si tu ne les as pas vus. Ou de défendre Allah et son envoyé dans le secret. Et c'est là où la foi à son importance, car tu défends Allah et son envoyé alors que tu ne les as pas vus. Donc cela prouve que ta foi est grande et forte. De même que si tu défends Allah et son envoyé dans le secret, c'est-à-dire sans que personne ne te voie, cela prouve également que ta foi est grande et forte. Inna Allah qawiyun aziz. Allah est fort et tout-puissant. C'est-à-dire que rien n'est impossible pour Allah, que nul ne peut lui échapper. Et parmi la force et la puissance d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il ait fait descendre le fer, un fer duquel découlent de nombreuses machines de force. Et parmi la force et la puissance d'Allah Azza wa Jal, et qu'il est capable d'avoir la victoire sur ses ennemis, Mais Allah Azzawajal éprouve ses serviteurs par ses ennemis, afin de savoir qui le défendra et qui lui donnera victoire dans l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce contexte, a cité le livre et le fer. Le livre et le fer. Car à travers ces deux choses, Allah azawajal donne victoire à sa religion. À travers ces deux choses, Allah subhanahu wa ta'ala élève sa parole. Il élève sa parole par son livre, dans lequel il y a la preuve et les arguments, et par l'épée qui donne victoire par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux permettent l'établissement de la justice. Et cela prouve l'immense sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la complétude de sa législation qu'il a légiféré à travers ses prophètes alayhim as-salam. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أي الأنبياء المتقدمين والمتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام وكذلك الكتاب وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين فمنهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد بدعوتهم منقاذ لأمرهم مسترشد بهداهم وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل الذي هو من كتب الله الفاضلة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبا حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام ورهبانية ابتدعوها ورهبانية العبادة فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة ووظفوها على أنفسهم والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضها بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم قصدهم بذلك رضا الله عز وجل ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها أي ما قاموا بها ولا أدوا حقوقها فقصروا من وجهين من جهة ابتداعهم ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه على أنفسهم فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم ومنهم من هو مستقيم على أمر الله ولهذا قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم بعيسى كل أعطاه الله على حسب إيمانه وكثير منهم فاسقون Puis الشيخ السعدي رحمه الله تعالى dit Après qu'Allah Azzawajal ait cité la prophétie des prophètes en général, il a cité deux parmi les prophètes bénis, Nuhun et Ibrahim, alayhim as-salam, à qui Allah Azzawajal a accordé la prophétie et le livre à leur descendance. Il dit Azza wa Jal, nous avons envoyé Nuh et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. C'est-à-dire que les prophètes précédents et les prophètes qui les ont suivis, tous font partie de la descendance de Nuh et de Ibrahim alayhim assalam. De même que les livres, tous les livres ont été révélés dans la descendance de ces deux nobles prophètes et messagers d'Allah alayhim assalam. Faminhum, certains d'entre eux, c'est-à-dire certains de ceux à qui ils ont été envoyés. Faminhum, c'est-à-dire certains d'entre eux, ce n'est pas certains d'entre eux de leur descendance. Non, certains d'entre eux, mimman arsalna ilayhim ar-rusul, ceux à qui les prophètes ont été envoyés. Faminhum muhtadin, certains sont bien guidés. Lorsqu'ils ont répondu à l'appel des prophètes qui leur ont été envoyés, lorsqu'ils ont obéi à leurs ordres. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. C'est-à-dire, tandis que beaucoup d'entre eux se sont éloignés de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et de l'obéissance à ses prophètes et envoyés. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Yusuf, le verset 103, « Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. » Puis Allah Azza wa Jal dit « ثُمَّ قَفَّيْنَا » Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre. Nous avons fait suivre nos autres messagers. Nous les avons fait suivre de Isa, fils de Marie. Ici, Allah Azza wa Jal a cité de façon particulière Isa alayhi salam, car le contexte du verset par la suite concerne les chrétiens qui prétendent suivre Isa alayhi salam. Wa atainahu al-injil, nous lui avons apporté l'évangile. L'évangile qui fait partie des livres d'Allah Azza wa Jal révélés et qui ont un grand mérite. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً Et bien sûr, on parle de la vraie évangile, non pas l'évangile falsifié et modifié par les chrétiens. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً Et nous avons mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et bonté. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ma'idah, le verset 82, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Pour cela que les chrétiens ont un cœur plus doux que les autres lorsqu'ils suivent la législation de Isa alayhi salam. Puis Allah Azza wa Jal dit وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا et le monachisme qu'ils inventèrent. Qu'est-ce que le monachisme ? Le fait d'être moine. Le fait d'être moine, comme ces moines qui s'obligent de rester dans leur monastère et qui s'obligent des choses qu'Allah Azza wa Jal ne leur a pas imposées. Comme le fait de ne pas se marier, par exemple. Al-Sheikh Al-Sa'di, rahimahullah, dit « وَالرَّهْبَانِيَّةِ » Le monachisme, c'est l'adoration. De façon générale, c'est l'adoration. Et eux ont innové des adorations qu'ils ont eux-mêmes créées et inventées et qu'ils ont imposées à eux-mêmes. Des choses que ni Allah Azza wa Jal leur a imposées et qu'Allah Azza wa Jal ne leur a pas prescrit. فَصَدَّهُمْ قَصْدُ نَعْمِ Ils ont fait cela dans le but de bénéficier de la satisfaction d'Allah. Mais malgré cela, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا Ils ne l'observèrent pas comme il se devait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appliqué ces adorations. Et ils n'ont pas accompli cette adoration comme ils devaient le faire ou comme ils s'étaient obligés de le faire. Ils ont manqué à deux reprises. La première, ils ont manqué à leur devoir lorsqu'ils ont innové des adorations qu'Allah ne leur avait pas légiférées. Et deuxièmement, qu'ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils se sont imposés à eux-mêmes. Et il y a parmi eux qui sont dans la droiture concernant les adorations d'Allah. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit « فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ » Et nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en Isa alayhi salam. Et chacun, Allah Azza wa Jal, lui donnera la récompense selon sa foi. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Mais la plupart d'entre eux sont pervers. Car faisait partie de la religion de Isa le fait de croire en... Fait partie de la religion de Isa le fait de croire en qui ? Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car Isa, alayhi wa sallam, l'a dit dans l'Injil que... Un homme va venir après qui s'appelle Ismuhu Ahmed. Donc les chrétiens au temps de Isa alayhi salam qui suivaient Isa comme il se devait croyaient en Muhammad sallallahu alayhi salam. Et c'est à eux à qui Allah azza wa jal accorde la récompense car ils ont cru en Muhammad sallallahu alayhi salam et en Isa. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Puis Allah Azza wa Jal dit dans les deux derniers versets de Surat Al-Hadid selon le sens « Ô vous qui avez cru » Ici on verra que il y a deux significations soit « Ô vous qui avez cru » ici ce sont les juifs et les chrétiens ou cela englobe ceux qui ont cru parmi les juifs et les chrétiens et les musulmans également. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez à son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde, qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته أي نصيبين من الأجر نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم وهذا الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله عز وجل. أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. ويجعل لكم نورا تمشون به، أي يعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات، والله ذو الفضل العظيم. فلا يستكثر هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأمان الفاسدة. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله لهم كفلان من رحمته ونور ومغفرة، رغما على أنوف أهل الكتاب، وليعلموا وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره. تم تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة، والحمد لله. Puis Cheikh Saadi rahimahullah explique ces deux derniers versets de Sourate al-Hadid en disant que Allah Azza wa Jalla ici s'adresse. L'appel d'Allah Azzawajal, ô vous qui avez cru, il est possible que cet appel soit dirigé vers les gens du livre, ceux qui ont cru en Moussa et Isa alayhim assalam, qu'Allah Azzawajal leur ordonne de mettre en pratique les implications de leur foi, de craindre Allah Azzawajal, de délaisser sa désobéissance et de croire en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que s'ils font cela, Allah azawajal leur donnera deux parts de sa miséricorde, c'est-à-dire deux parts de récompense. Une part de récompense due à leur foi au prophète précédent, et une part due à leur foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est possible que cet appel et que cet ordre d'Allah azza wa jal englobe les gens du livre et autres. Et c'est ce qui apparaît de ce verset. Et qu'Allah azza wa jal ordonne tous les croyants, ceux qui ont cru en Isa, ceux qui ont cru en Moussa, ceux qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur ordonne tous de croire, d'avoir la foi, de croire en lui subhanahu wa ta'ala, et de faire preuve de piété. Une piété qui englobe l'ensemble de la religion. Que ce soit les choses apparentes ou cachées de la religion, que ce soit les choses faisant partie des bases de la religion ou bien des branches de la religion, ils se doivent de faire preuve de piété et d'obéir à Allah azza wa jal dans cet immense commandement. S'ils font cela, s'ils obéissent à Allah Azza wa Jal, Allah leur donnera deux parts de sa miséricorde. Des parts de miséricorde dont la description et la quantité ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une récompense pour la foi et une récompense pour la piété. Ou une récompense pour avoir accompli les ordres, et une autre récompense pour avoir délaissé les interdits. Et il est possible également que le sens de deux parts de sa miséricorde c'est-à-dire que une part vient suivre l'autre. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ et vous donnera une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal vous donnera de la science, une guidée et de la lumière à travers laquelle ou à l'aide de laquelle vous pourrez marcher dans les ténèbres de l'ignorance. Et Allah vous pardonnera vos péchés. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ et Allah est le détenteur d'une immense grâce. Ainsi, l'on ne considère pas ces récompenses immenses comme étant quelque chose de trop grand, car ces récompenses proviennent de celui qui détient l'immense grâce, subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa grâce, celui qui fait profiter par sa grâce les habitants des cieux et de la terre. Il n'y a pas une créature qui peut se passer des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil ou plus petit encore. Et la parole d'Allah azza wa jalla, "Alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah." Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah. C'est-à-dire, nous vous avons montré nos mérites, notre grâce et notre bienfaisance envers celui qui a une foi complète, envers celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, envers celui qui a cru en son prophète. Ceci afin que les gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les juifs et les chrétiens restreignent la grâce d'Allah azza wa jal selon leurs passions et leurs mauvaises pensées. Et ils disent, comme Allah azza wa jal nous le relate dans Sourate Al-Baqarah, le verset 111, « لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى » n'entrera au paradis que celui qui est juif ou chrétien. Ainsi, ils espèrent la grâce d'Allah à travers des choses nulles. Et Allah Azza wa Jal informe dans ce verset que ceux qui ont cru en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, auront deux parts de sa miséricorde, une lumière et un pardon, même si cela déplaît aux gens du livre. Et afin que les gens du livre sachent que la grâce est dans la main d'Allah. Que la grâce est dans la main d'Allah et qu'Allah Azza wa Jal accorde sa grâce à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, selon sa sagesse. Wallahu dhul fadli al-azim. Et Allah est le détenteur de l'immense grâce que nul ne peut quantifier. Ainsi se termine le tafsir de Sourate Al-Hadid. Et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.